إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Le cours de ce soir, inshallah, concerne un sujet très important qui est à la base une question posée au grand savant, le cheikh, le docteur Mohamed Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, ce grand imam de l'islam, grand savant de Médine, connu dans l'université islamique de Médine. Il avait son siège dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'origine éthiopienne, qui est mort il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Rahimahullahu ta'ala, ce grand imam de la sunna et de la salafia, tellement qu'il a prévenu la communauté contre les infiltrés dans la sunna, contre ceux qui se font passer pour des bienfaisants dans le prêche islamique, alors qu'ils n'en sont que tout autre. Et jusqu'à maintenant, on entend ces gens, vu le travail qu'il a accompli à leur encontre pour mettre en garde contre leur personne et contre leur mal véhiculé, ils taxent les personnes qui s'efforcent de suivre le droit chemin de Jami. Et ils appellent cela Al-Jamiya, un terme qui n'existe pas à la base. Mais c'est une affiliation à ce grand savant, Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah. Et aujourd'hui, les sectaires, les frères musulmans et leurs semblables, et d'autres parmi les égarés, ils emploient ce terme à tous ceux qui appellent à l'écoute et obéissance aux autorités et aux gouvernants et qui récitent et enseignent et véhiculent les hadiths, les textes du Coran, les textes prophétiques sur ce sujet de l'écoute et de l'obéissance qui est due aux gouvernants, des dizaines de hadiths à ce sujet. De même que c'est un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah. Donc, Cheikh Mohamed Aman, alayhi rahmatullah, il n'y a pas très longtemps, il y a un ouvrage qui est sorti. C'est une compilation de certaines de ses conférences audio suivies de questions-réponses. Et cette compilation, elle a pour titre « Qurratu Uyuni Salafiyya » Bil Ajwibati Al-Jamiya. Donc des questions, des réponses données par le grand savant Mohamed Aman Al-Jami alayhi rahmatullah. Donc c'est un grand volume qui est en près de 600 pages, qui est très intéressant. Donc il y a cette question qui a été posée à ce grand savant Mohamed Aman alayhi rahmatullah, qui dit: شباب يسألون فيقولون إن فقه من يتفقه ويتعلم من كتب السنة فقهه فقه سطحي وفقه أصحاب المتون الذين يدرسون المتون في كتب الفقه فقه عميق دقيق. Donc des jeunes personnes questionnent. Ils disent, la personne qui étudie le fiqh, ce qu'on traduirait par la jurisprudence, qui concerne les lois, les règles concernant le domaine de la pratique religieuse, qui comporte les actes d'adoration, qui sont les quatre piliers de l'islam après les deux attestations, qui sont la salat, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage vers la maison sacrée. Puis, ça concerne aussi le domaine du relationnel, les liens qu'il y a entre les gens. Ça gère ce domaine aussi. Entre dedans, le mariage et ce qui s'ensuit, le commerce et d'autres domaines aussi. C'est ce qu'on appelle en arabe « fiqh al-ibadat » ou « fiqh al-mu'amalat ». Donc, ce domaine-là, on le traduit souvent par le terme « jurisprudence ». L'essentiel, c'est de comprendre le contenu des mots. Bien que « jurisprudence » dans le domaine du droit veut dire autre chose. C'est une loi, elle a été appliquée, elle fera jurisprudence lorsqu'il y aura la même question similaire qui reviendra à nouveau. Donc on dira que là, cette loi qui a précédé, elle fait jurisprudence. L'essentiel, c'est le droit dans ces domaines que je viens de vous citer. Donc ce fiqh-là, avec cette signification, qui est une signification, une définition technique du terme, sinon le terme fiqh, dans la langue arabe, au moment de la révélation, dans les versets coraniques, dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, le terme fiqh vient de faqiha, yafqahu, fiqhan, c'est comprendre. Hein, ça veut dire comprendre. Avoir une bonne compréhension. Donc, ces jeunes demandent que la personne qui étudie le fiqh directement dans les livres de la sunna, c'est-à-dire dans les recueils de hadith, dans les livres du hadith, comme par exemple Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, ainsi, etc. Celui-là, il aura un fiqh, une connaissance, hein, qui est superficielle. Ce n'est pas une véritable compréhension de la religion. Alors que le fiqh, la compréhension et la science de ceux qui étudient Al-Mutun, qui est le pluriel de Metzen, c'est un texte. Et ici, il est voulu les textes qui ont été préparés dans le domaine du fiqh selon un madhhab bien précis. On les appelle mutun. Donc, on a des mutun dans le fiqh al-Hanbali, le fiqh al-Shafi'i, le fiqh al-Maliki, le fiqh al-Hanafi. Chaque livre, qu'il soit petit ou grand, on appelle cela un matn. Ce sont des ouvrages de référence dans le madhhab. Donc, ceux qui étudient le fiqh selon ce procédé, cette méthodologie-là, donc ils étudient les mutun. Ils n'étudient pas les sources, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ceux qui font cela, de cette manière-là, alors on dit d'eux que eux ont une compréhension, ont une connaissance, ont une science qui est vaste, plus large et bien plus précise. Al-Jawab. Et ça, c'est une question qu'on revit de nos jours. Ici et là, des personnes essaient de faire croire qu'en fin de compte, ils ont été trompés. Lorsqu'on les a appelés, ils ont été appelés à en revenir au Coran et à la Sunna. De cette manière-là, c'était une erreur. Et qu'en réalité, l'obligation, c'était de prendre des livres, donc des références de madhhab, et d'étudier ces livres-là directement et de suivre un madhhab bien précis. On entend ce genre de choses ici et là par certains qui veulent amener la communauté dans l'égarement et l'éloignement de la droiture. Donc cette question qui a été posée à Cheikh Mohamed Aman, ce grand savant, ce grand imam de la sunna, elle a toute son importance. Al-jawab, la réponse. Le cheikh dit, هذا يذكرني بالمثل رمتني بدائها وانسلت. Donc il dit ceci, ce qu'il vient d'entendre comme question, l'intitulé, le contenu de la question, me rappelle un proverbe arabe. C'est une personne qui te taxe d'une maladie, qui prétend que tu as une maladie, alors qu'en réalité c'est elle qui l'a. C'est un exemple qui est donné. Quelqu'un qui accuse une personne, alors que c'est elle-même qui a ce souci et qui a ce problème. Donc cette personne, elle va prétendre que tu as la maladie que elle, elle a. Subhanallah. Mais il explique cela en disant « أَقْبَلَتِ الْعَوْرَى عَلَى مْرَأَةٍ صَحِيحَةُ الْعَيْنِ جَالِسَةٍ فِي ظِلِّ خَيْمَتِهَا وَلَمَّا قَرُبَتْ مِنْهَا قَالَتْ عُمِي صَبَاحًا يَا عَوْرَى الْعَوْرَى تَقُولُ لِلسَّلِيمَةِ قَالَتْ رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ » Donc c'est une femme qui est borgne, qui a une vision qui n'est pas claire. Face à une femme qui a une bonne vision, elle est en bonne santé, elle n'a pas de problème aux yeux, qui est assise à l'ombre de sa tente. Et lorsque cette femme borgne s'approche d'elle, elle dit que c'est une aveugle, qu'elle rencontre une aveugle au matin. Alors c'est la femme qui a un problème aux yeux qui vient accuser celle qui n'a pas de problème aux yeux. Et là, l'autre, elle a répondu, tu diriges vers moi une maladie dont tu en es, et tu es celle qui l'a. وهذا يقول, et celui-là, le questionneur, il dit, الذي يريد أن يتفقه في الدين لدراسة كتب السنة فقه سطحي ومن يدرس متون كتب الفقه فقه عميق ودقيق. Donc le questionneur, il dit, celui qui veut étudier le fiqh directement en étudiant les livres de hadith, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il aura une compréhension, une connaissance superficielle. Et celui qui étudie des livres qui ne sont composés que de phrases émises par des personnes, des mortels, parmi les gens, celui-là, il aura une compréhension, une connaissance qui sera vaste, qui sera précise et solide. وأذكر هذا السائل أن يتقي الله ربه. Et je tiens à faire ce rappel au questionneur qu'il craigne Allah son Seigneur. فهذا تنفير للناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car en agissant ainsi, cette personne, en vérité, elle ne fait que fuir, éloigner les gens de la tradition, de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa naylun min as-sunna. Et c'est une manière de s'attaquer, de s'en prendre à la sunna. Wa di'ayatun dhidd as-sunna. Et c'est aussi une propagande qui est faite contre la sunna. Wa khilafu al-waqi'. Et c'est tout le contraire de la réalité. Al-waqi' nahnu na'ishu al-an ma'a alladhina bada'u dirasat al-fiqh fi madrasati dar al-hadith al-makkiyya ayyam dar arqam fi as-sab'inat haythu kanu yadrusuna al-arba'in an-nawawiyya wa 'umdat al-ahkam wa bulugh al-maram ila an darasu al-kutub as-sittah مع النظر في الشروح مثل سبل السلام ونيل الأوتار وأخيرا في فتح الباري تخرجوا فقهاء في جميع المذاهب المعروفة الأربعة وغير الأربعة. La réalité est que nous vivons, le cheikh, c'est lui qui parle, cheikh Mohamed Aman, عليه رحمة الله, un moment, une époque où il y a ceux qui ont débuté leurs études de fiqh, de jurisprudence dans l'école de Dar al-Hadith, al-Makkiyya de la Mecque. Dar al-Hadith, l'école du Hadith, l'institut du Hadith, c'est le nom qui sont donnés aux écoles de Ahl al-Sunnah. Hein, comme c'est connu Dar al-Hadith qui avait au Dammaj, le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Et c'est aussi connu auparavant et jusqu'à maintenant, Dar al-Hadith, ce sont les écoles d'études du Hadith, des textes prophétiques en Inde. Et puis plus tard, quand il y aura la séparation, ce qu'on appellera le Bangladesh, le Pakistan, ces pays qui formaient, qui étaient partie intégrante de l'Inde. Jusqu'à maintenant, leurs écoles, elles s'appellent Dar al-Hadith. Et Dar al-Hadith, qui est à Mecca, elle existe encore. Et à l'époque de Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, c'est lui-même en personne qui est supervisé et qui est aidé au financement pour qu'elle perpétue cette école. Et cette école, elle a été fondée il y a maintenant à peu près, Allahu a'lam, 70-80 ans à peu près. Et à sa tête, il y avait des grands savants de la sunna, c'était d'origine égyptienne, comme le Cheikh Abdu'l-Zahir Abu Samh, rahimahullah ta'ala, qui était le grand imam de la Mecque dans les années 20, 30 et 40, alayhi rahmatullah, de même que le Cheikh Mohammed Abdu'l-Razzaq Hamza, rahimahullah ta'ala. C'était des savants égyptiens qui étaient installés à l'époque à la Mecque et qui ont géré cette école qui est Dar al-Hadith al-Khayriya, qui s'appelle Dar al-Hadith al-Khayriya bi-Mekka. Donc, il dit dans les années 70, alors je ne sais pas si le Shir, il parle en Hijri, s'il parle en Hijri, c'est-à-dire dans le calendrier chrétien, c'est dans les années 50. D'accord ? En 1350 et quelques. C'est ce qu'on a. Ce que, en 1950 et quelques, je veux dire, c'est 1370 et quelques. Donc lui, il a connu cette époque-là, alayhi rahmatullah. Et les jeunes, les étudiants, les écoliers dans cette école, ils étudiaient les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Ils étudiaient Umdatul Ahkam, l'Ibn Qudama, ou l'Abd al-Ghani. المقدسي وعلى كل حال المقدسي لابن قدامة طيب لابن قدامة رحمه الله المقدسي عمدة الأحكام c'est les chapitres du fiqh mais chaque chapitre en dessous il y a que les textes c'est-à-dire les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام et il a fait en sorte de mettre que des hadiths qui sont dans le Bukhari Muslim. بلوغ المرام c'est dans le même style que عمدة الأحكام. Celui-là, il est de Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a écrit Fathul Bari, rahimahullah. C'est dans le même style que Umdat al-Ahkam, seulement il y a les hadiths, il y a des hadiths faibles. Il prend des hadiths de plusieurs rapporteurs et non pas seulement Bukhari Muslim. Jusqu'à qu'ils ont étudié les livres, les six livres. Quand on dit les six livres en général, on entend par là Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Ainsi que les commentaires de certains de ces livres comme Subul al-Salam. Subul al-Salam, c'est le commentaire de Bulugh al-Maram, de Ibn al-Hafidh ibn Hajar. Et Subul al-Salam est le de l'imam al-San'ani, l'amir al-San'ani, qui était un grand savant yéménite de l'époque de Cheikh Islam Mohammed Abdel Wahhab. Ils sont de la même époque. Alayhim Rahmatullah. Wa Nail al-Awtar. Nail al-Awtar, c'est aussi d'un grand savant yéménite de Mohammed ibn Ali al-Shawkani, Rahimahullah ta'ala, qui lui est mort en 1800 et quelques. Exactement en Hijri, en 1250, Rahimahullah ta'ala. Ça, c'est de Shawkani. Et Nail al-Awtar, c'est le charh du livre Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, c'est le livre, aussi, c'est une compilation de hadith d'Ibn Taymiyyah al-Jadd, du grand-père de Cheikh al-Islam. Le grand-père de Cheikh al-Islam, c'est une famille de savants. Donc son grand-père, il a cet ouvrage, ce recueil qui s'appelle Muntaqal Akhbar. Et l'imam al-Shawkani en a fait ce commentaire qui s'appelle Nailu al-Awtar. Puis, ils finissent par Fathul Bari, qui est le grand commentaire célèbre de Sahih al-Bukhari. Et en étudiant tous ces livres de hadith et les hadiths qui concernent le domaine de la jurisprudence, et en étudiant les commentaires de ces livres et les ulamas qu'on vient de citer et d'autres, lorsqu'ils commentent, ils ramènent les différentes opinions des ulamas et des imams de salaf et des imams de musulmans et des grands savants de l'islam. Donc, ils ont avec cela une connaissance vaste des différentes opinions des ulamas et des imams. Pas seulement que des quatre imams célèbres, Abu Hanifa, Muhammad ibn Abu An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, wa Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi, Imam Dar al-Hijra rahimahullah, al-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, et Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, pas seulement de ces quatre, mais autres parmi d'autres imams que ces quatre qui sont connus. وبجانبهم يوجد من يدرسون على المشايخ كتب الفقه من تلكم الكتب على مذهب أبي حنيفة كتاب اسمه القدوري وهو متن معروف عندهم كالزاد عندنا صاحب القدوري يحاور أي حديث حتى يوافق المذهب et à côté de cela il y en a qui vont étudier chez des machaïrs, chez des savants, chez des chouyours, en dehors des études de l'école, dans leur temps libre. Ils profitent et ils vont étudier des livres de fiqh, donc des médecins, des moutounes, dans le domaine du fiqh. Comme parmi ces livres-là, un livre qui est connu dans le madhab al-Hanafi, c'est-à-dire que c'est une référence dans l'école juridique Hanafi, un livre qui s'appelle Al-Qadduri. Et c'est un livre qui est aussi célèbre que Az-Zad chez nous. Ici, le cheikh, il veut dire dans le fiqh al-Hanbali, dans le fiqh de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et Az-Zad, c'est Zad al-Mustaqni', Zad al-Mustaqni', qui est un livre de référence de base dans le madhab al-Hanbali, et dont un charh qui est connu aujourd'hui par beaucoup, qui a été fait par le grand savant, l'imam, le cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, qui s'appelle Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Donc, ce livre-là, Al-Qadduri, il est aussi célèbre chez eux que Zad al-Mustaqni' chez les Hanabila. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Al-Qadduri? Son auteur, il essaie de tout faire, de contourner, de détourner le hadith, de le sortir même de son véritable sens jusqu'à que ce hadith il va concorder avec l'opinion du madhhab. Et ça, c'est un problème. Le problème, lorsqu'on prend la science à l'envers. On a des opinions, donc préconçues, puis on va chercher les textes qui vont réconforter l'opinion, qui vont confirmer l'opinion. Ça, c'est-à-dire qu'on prend les choses à l'envers. Alors qu'à la base, on regarde ce qu'il y a dans les textes, et selon ce qu'il y a dans les textes, on aura nos positions. Subhanallah. Il y en a qui font à l'envers. Et c'est ça le danger là-dedans. Donc l'auteur, pour ne pas contredire ou de reconnaître l'erreur commise dans telle ou telle opinion du madhhab, il va faire en sorte de contourner, détourner, altérer même s'il le faut le hadith pour lui donner un sens qui n'est même pas son véritable sens. Que dire de ceux qui vont tout faire pour le rendre faible? Non pas parce que réellement il est faible le texte, non, mais c'est parce qu'il contredit le madhhab. Et ça, ils ont, chez dans le domaine des madhhab, il y a eu des personnes qui se sont adonnés au hadith, mais pas dans le bon sens de l'étude du hadith. Ils étudient les hadiths et même les narrateurs, et ils vont commencer à rendre faible et bon selon le sens que ça va défendre le madhhab. Donc tel narrateur, ils vont tout faire pour dire qu'il est bon. Comme ça, quand son nom il apparaît, le hadith il est bon. Alors qu'en réalité, les ulama du hadith et les connaisseurs des hommes, des narrateurs, ils ont dit qu'il n'était pas bon. Il va tout faire. Et ça, c'est connu. Même dans le domaine de la croyance. Pour défendre l'Ash'ariyya, l'Maturidiyya, et ainsi de suite. Ils l'ont fait. Un homme qui est mort dans les années 50 et qui avait une haute fonction chez les Mashaïr de l'époque ottomane et qui est mort en Égypte dans les années 50, qui s'appelle Mohamed Zahid al-Kawthari. Hada Mohamed Zahid al-Kawthari, il n'était pas ignorant. Il avait une énorme connaissance. Et Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, ce grand savant de la Sunna, lorsqu'il est questionné sur Mohamed Zahid al-Kawthari, il dit, il est le plus connaisseur de son époque sur les narrateurs. Ce qui se dit sur les narrateurs et la connaissance des narrateurs. Mais Allah, il l'a égaré sur une science. Voilà. C'est sur une science. Il a la connaissance, mais il ne s'en est pas servi comme il le faut. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Adribu lakum mathalan wahidan. Donc le cheikh Mohamed Aman alayhi rahmatullah dit, je vais vous donner un exemple. Ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muslim. Le lavage du corps pour le vendredi est un devoir et une obligation qui incombe à chaque musulman. Fayaqul. Donc al-Qadduri, il dit واجب معناه ساقط. Donc il dit que واجب veut dire ici qu'il n'a pas lieu d'être, il est tombé, on ne prend pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se laver, le musulman n'a pas à se laver le vendredi. Voilà ce que veut dire ici le terme واجب. Les gens qui vous disent on va étudier la langue arabe, c'est pas grave, on étudie que l'arabe chez n'importe qui. En étudiant l'arabe, on vous apprend des innovations. On vous apprend à mal comprendre le Coran et la Sunna. Puisqu'on va vous dire tel mot, lorsqu'il est précédé, suivi de telle particule, il veut dire telle chose. À chaque fois que toi, tu vas le voir dans un verset, dans un hadith, tu vas le comprendre comme lui te l'a enseigné. Subhanallah. Enfin, même dans la langue arabe, la personne n'est pas à l'abri. Eh bien, regardez là, c'est la signification des termes. Donc, une personne, elle a une signification. Wajib veut dire obligatoire. Mais là, il va lui dire non. Le terme wajib ne veut pas tout le temps dire obligatoire. Et il veut dire aussi saqt. Voilà, il n'a pas lieu d'être. Il est comme inexistant. Wa'ala bima'na an. Et puis, ils vont vous ramener, ils vont se défendre. Ils vont vous ramener. Peut-être même des poèmes, ils vont vous ramener quoi que ce soit pour déformer le sens du hadith. Ay, ghuslul jumu'a saqitun an kulli muslim. C'est-à-dire chaque musulman n'a pas, c'est comme si on n'a pas le droit de faire le ghusl du vendredi. Il ne lui incombe pas de faire le ghusl du vendredi. Voilà, comme ça, le hadith, il n'a pas été directement rejeté. On lui a trouvé une explication et ça concorde avec le madhhab. Voilà. Et donc ils vont dire le hadith, il y va avec nous. وَمَنْ يَدْرُسُ الْفِقْهَ فِي الْقَدُورِ وَشُرُوحِ الْقَدُورِ وَأَشْبَاهِ الْقَدُورِ يَكُونُ ضِدَ السُّنَّةِ. Et donc celui qui va étudier le fiqh dans par exemple ce matn al-Qadduri et les commentaires qui ont été émis sur al-Qadduri et les écrits similaires à celui-là, il sera en contradiction, il sera contre la sunna. Ayyu hadith ya'ti yuharrifunahu wa yaquluna la. Chaque hadith qui viendra, ils vont l'altérer, ils vont le déformer et ils diront non. Donc ça veut dire, tu vois comment tu as compris toi le hadith, c'est pas ça sa compréhension. C'est comme chez les soufis. Il y a des secrets partout. On apprend les lettres Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. Oui, ça c'est bien, ça c'est pour vous. Mais chez nous, là, les maîtres soufis, chaque lettre elle a des secrets. Un âme, il y a des secrets. Elle a une valeur, la lettre. Subhanallah. Et dans leur sorcellerie, ils font des quadrillages, ils mettent les lettres, et ainsi de suite. A'udhu billah. Shayatin, des démons. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, pareil. Ils ont écrit des tafsirs du Coran, tafsir batini, le tafsir intérieur du Coran. Là, ce que vous avez, vous, c'est-à-dire, vous, parce que vous êtes, vous pouvez pas comprendre, c'est trop fort pour vous, donc vous prenez ce qui vous apparaît dans les versets. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie explication. Mais les maîtres soufis, eux, ils ont une explication qui n'existe pas chez vous. Donc, ils vont donner chaque verset un sens qui n'apparaît pas dans le verset. Wallahu al-musta'an. Au nom de l'islam, détruire l'islam. طيب وهل ندعو شبابنا ليتعلموا مثل هذا الأسلوب؟ Est-ce qu'on va inviter nos jeunes? On va demander à nos jeunes d'apprendre cette méthodologie de cette manière. أو ندعوهم ليدرسوا فقه السنة. Ou alors plutôt, on va les inviter, appeler à étudier la compréhension de la Sunna. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le hadith du prophète sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Il lui facilite la compréhension de la religion. Et les ulama disent, on comprend de ce hadith que celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Al-fiqhu fi d-din la ya'ti illa bi dirasati al-kitab wa sunnah. La compréhension, la bonne compréhension de la religion ne peut venir si ce n'est en étudiant le Coran et la sunnah. La ya'ti bi ara al-rijal. Ce n'est pas avec les opinions des hommes. Les opinions des hommes restent des opinions des hommes. Ce n'est pas un texte. Après, on va vérifier est-ce que ça concorde ou ça ne concorde pas. Est-ce que c'est en conformité ou non. La ya'ti bi ara al-rijal. Fa inna ara al-rijal tu'radu ala al-kitab wa sunnah. Car les opinions des hommes, on les mettra sur la balance du livre et de la sunna. فَمَا وَافَقَ يُؤْخَذْ وَمَا خَالَفَ يُرْمَى. Et ce qui concorde et en conformité, il sera pris en considération. On le prendra. Et ce qui contredit sera rejeté. عَلَى حَدِّ كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَإِنْ خَالَفَ قَوْلِي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. Et il a cité la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, qui est cité dans Sir A'lam al-Nubala, qui est un grand ouvrage sur les récits, biographies de beaucoup de grands personnages. Et cet ouvrage, il est de l'imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Que l'imam al-Shafi'i a dit, si le hadith est authentique, alors sachez que je le prends, je l'applique, c'est mon madhhab, je vais vers cela, vers ce hadith. C'est-à-dire que je ne contredis pas le hadith. Il y a le hadith qui est authentique, sachez que c'est mon opinion. Même si, plus tard, vous avez trouvé vous le hadith, et vous voyez qu'il a contredit ma parole, si ma parole, elle contredit celle du prophète, alors jetez, frappez ma parole contre le mur. C'est l'imam Shafi, Allah lui-même qui le dit. Ma parole, c'est-à-dire, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a plus sa place face à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Car les ulama, les imams sont des êtres humains dans la signification, la définition d'Ahl Sunnah. Et ils sont faillibles. Et ils commettent des erreurs. Ils connaissent Et il leur arrive d'ignorer des choses. Ils n'ont pas assimilé tout. Donc, ils ont la capacité de faire des efforts de réflexion, c'est ce qu'ils font. Et au final, s'ils ont atteint la bonne réponse, ils seront récompensés doublement. Et s'ils ne l'ont pas atteint, ils seront récompensés une fois quand même, parce qu'ils ont fait l'effort. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite et le succès à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de mal là-dessus. Mais que toi, tu connaisses la vérité et que tu t'entêtes de rester sur l'erreur d'un tel ou d'un tel, là, il y a un problème, il y a un souci. Donc, quel que soit l'imam, quel que soit le savant, il peut commettre des erreurs, il peut se tromper. C'est un être humain, il lui arrive ce qui arrive à tout être humain. الأئمة الأربعة أعلنوا ودعوا الناس ونصحوا الناس ألا يقلدوهم. Les quatre imams l'ont dit ouvertement, l'ont annoncé ouvertement et ils ont invité les gens, ils ont conseillé les gens de ne pas les suivre aveuglément. De ne pas les suivre aveuglément. والإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه أصحاب هذه الأقوال التي سمعتموها يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله dont se reconnaissent ceux dont on a vu quelques paroles précédemment. Il dit lui-même عليه رحمة الله حرام على أحد أن يقلدنا لأننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. Donc il dit alayhi rahmatullah, il est interdit à quiconque de nous suivre aveuglément, car nous sommes des êtres humains. Nous disons une parole aujourd'hui, nous optons pour une opinion aujourd'hui et nous revenons dessus le lendemain. Donc فهو يحرم التقليد. Donc il interdit ce suivi aveugle. واتباعه أشد الناس تقليدا وتعصبا. Et ses suiveurs, ceux qui se reconnaissent en lui, sont les plus ancrés dans le suivi aveugle et dans l'attachement aveugle. Dans les quatre madhahib, les ulama nous disent, l'ulama de la sunna, après vérification, que dans le madhab al-Hanafi, c'est là qu'on retrouve le plus de problèmes que les autres madhab, bien qu'ils en ont aussi, mais chez les Hanafites encore plus. Subhanallah. Et il y a plus de positions, d'opinions qui contredisent des textes du prophète alayhi salatu wassalam. Que dire lorsqu'un professeur qui suit aveuglément le madhab Hanafi, il croit que le madhab Hanafi est celui qui est le plus proche de la sunna. Et il invite à la madhabiyya. Et lorsqu'il voit des gens suivre un autre madhab, s'il peut en placer une pour les inviter à rejoindre le madhab Hanafi. Enfin, même s'ils pensent, ils vous font croire qu'il y a une certaine tolérance. Ouais, il faut suivre un des quatre madhabs. Vas-y. Et une fois que tu es dedans, tu penses que celui dans lequel tu es, c'est le meilleur. Qu'en vérité, il ne faut pas suivre les autres. بل أكثر من جميع المذاهب. Donc, il y a bien plus de soucis et de problèmes que les autres madhhabs. هذا من التجربة. Ceci avec expérience. Le Cheikh rahimahullah Mohamed Aman, il dit ceci est connu par expérience. نحن نعيش معهم جميعا. On vit avec tous. On a des élèves, des étudiants, des professeurs à Mecca, à Medina. On les a. Ils suivent un des quatre madhhabs. On a affaire à eux. C'est un problème qu'on le vit. عندما كنت أدرس الفقه في كلية الشريعة في كتاب البداية لابن رشد والكتاب يناقش المذاهب كلها. Donc il dit, je l'ai vécu moi-même avec cela lorsque j'enseignais la matière du fiqh dans la faculté de Sharia. Faculté de droit ou de la législation. On a enseigné le livre البداية لابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. C'est un ouvrage écrit par Ibn Rushd, Al-Andalusi, rahimahullah ta'ala. Et dans ce livre-là, Ibn Rushd, il fait une étude parallèle des opinions des autres madhahib. Bien que lui, à la base, il est maliki. Mais c'est un livre dans lequel il ramène les opinions des autres madhahib. Donc il te donne une idée de ce que pensent l'opinion qu'ont les autres madhahib sur telle et telle question. Et il y discute. والمنهج ينص على المدرس أن يرجع المذهب أن يرجح المذهب الراجح بالدليل أمام الطلاب. Et le programme de la faculté à l'université islamique de Médine, quand le cheikh était professeur, il dit, il est bien cité dans la méthodologie d'enseignement que l'enseignant, il se doit, après avoir parlé, après avoir cité les opinions différentes des imams et des madhahib, il doit préciser aux étudiants, aux écoliers, l'opinion qui prend le dessus. L'opinion prépondérante. Celle qui apparaît être la plus valide et la plus sûre, selon les textes, c'est-à-dire selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était bien précisé que le professeur et Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, parfois il faisait cette remarque à certains qui ont quitté le suivi aveugle d'une école bien précise et qui se sont ouverts à regarder ce que pensent les autres écoles, mais qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur initiative. Ils te disent, tel madhhab, ils ont dit ça, tel madhhab, ils ont dit ça, tel madhhab, ils ont dit ça, tel savant, il a dit ça, tel savant, il a dit ça. Le lecteur, l'étudiant, il est face à un bon nombre d'opinions et le professeur lui dit, salam alaikum. Voilà. Donc, il ne sait même pas quelle est. Alors que non, cheikh, il dit, le savant, le faqih, il doit aller jusqu'au bout. Il termine. Il termine. Il dit, voilà les opinions. S'il veut, ou les élèves sont à un niveau où ils peuvent, il peut rentrer dans ces détails, il leur dit, telle opinion. Et à la fin, il leur dit, et telle opinion, elle a le dessus sur les autres opinions. Pourquoi ? Parce qu'on a un hadith, on a, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui était demandé aux enseignants à faire. Kuntu, Cheikh Mohamed Aman, alayhi rahmatullah, dit, كنت أعاني صعوبة ليس بعدها صعوبة إذا وقع الترجيح اليوم على قول فيه مذهب أبي حنيفة قول فيه مذهب أبي حنيفة يفرح الهنود والباكستانيون جميعا فرحا شديدا. Donc il dit, je vivais des moments très difficiles avec les élèves. Lorsque l'opinion qui avait le dessus, qui était prépondérante, elle concordait avec le madhhab Hanafi. À ce moment-là, sur cette question-là, c'est eux qui ont raison sur cette question-là. Alors les élèves d'origine indienne, pakistanaise, en général c'est des Hanafis, ils étaient super heureux, ils étaient contents. Pourquoi ? Parce que ça va avec l'opinion qu'on connaissait sur ce sujet-là. « وَالْيَوْمْ أَلَّذِي يَقْعُ التَّرْجِيحِ عَلَى غَيْرِهِ » يَغْضَبُونَ غَضَبًا شَدِيدًا. Et le jour où c'est le contraire, je dis sur cette question, c'est telle opinion qui n'est pas l'opinion des Hanafis, alors là, ils sont en colère. Fortement en colère. فَتَعِبْتُ مَعَهُمْ تَعَبًا لَيْسَ بَعْدَهُ تَعَبًا. Ils m'ont fatigué. لِذَلِكَ. C'est dur, hein, les gens qui sont fanatiques, ils ont des opinions préconçues, ancrées en eux, et qui ne veulent plus rien entendre, c'est difficile. Parfois, comme il est dit, il est plus simple de parler à un mur à certaines personnes. Peut-être que le mur, il va te répondre. Allahul Musta'an. Et Cheikh Rabi, hafizahullah ta'ala, il a un livre, il a un écrit sur ce sujet qui s'appelle « التعصب الذميم وآثاره. Donc le mauvais suivi aveugle, cet attachement aveugle et les conséquences de cela. Les conséquences de cela. Et même dans une de ses paroles, Hafidhahullahu Ta'ala, pour parler des sectaires d'aujourd'hui et certains dans l'innovation d'aujourd'hui, ils sont pires que ceux d'avant. Il dit encore ceux d'avant, bien que c'est une erreur. Ils avaient cet attachement pour des savants. Mais bien qu'ils n'avaient pas à le faire dans là où ils se sont trompés. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve cet attachement aveugle pour des gens qui n'ont rien de savant. Subhanallah. لذلك أنا أعرف الناس المتعصبين على اختلاف مذاهبهم. C'est pour cela que je connais ces différentes personnes fanatiques, quel que soit le madhhab qu'ils suivent. وعشت معهم كثيرا, et j'ai vécu longuement avec eux. ونصيحتي لشبابنا ألا يسرعوا إلى مثل هذا الكلام الرخيص. Et mon conseil, ma recommandation que je donne à nos jeunes qui ne prêtent pas oreille, qui ne prêtent pas attention à ce genre de parole qui a bas prix, qui n'a aucune valeur. فالفقه الدقيق والفقه الصحيح أن تتفقه على الكتاب والسنة. Et donc, il en découle de tout cela que la véritable compréhension, la véritable science, la science authentique, la science bien précise et solide, c'est que tu étudies les textes du Coran et de la Sunna. وليس معنى ذلك لا تدرس المذاهب. Cela ne veut pas dire que tu n'étudies pas les livres de madhhab. لو تمكنت تدرس الزاد عند الحنابلة وتدرس القدوري عند الحنفية وتدرس الرسالة أو مختصر خليل عند المالكية وتدرس المنهاج على الأقل الزبد عند الشافعية. Si quand tu as le niveau, tu as la capacité, il n'y a pas de mal à aller regarder, étudier des livres de madhhab. Il a donné quelques exemples comme Az-Zad dans le madhhab Hanbali, Al-Qudduri dans le madhhab Hanafi, Al-Risala ou Mukhtasar Khalil dans le madhhab Maliki, Al-Minhaj, ou alors tu te contentes de Az-Zubad dans le madhhab Shafi'i. لو تمكنت من دراسة هذه الكتب ثم تعرض دراستك هذه على السنة. Donc si tu étudies ces livres ou une partie de ces livres, puis ce que tu as étudié dans ces livres, tu le mets sur la balance de la sunna. Tu vérifies l'authenticité de ces opinions, la validité de ces opinions. Quelle est la balance? C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tatla faqih bil mafhum sahih. Alors là, tu deviendras, lorsque tu auras fait tout cela, un faqih dans le bon sens du terme. لأنك تعرض الآراء على الأساس. Car les opinions, les paroles, tu les ramènes à la base, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلى الأصل, et au fondement, et à la base. فالذي عنده وقت ولا يزال يتمتع بنعمة الشباب ونعمة الفراغ عليه أن يسلك هذا المسلك. Donc, celui qui a du temps libre, celui qui a encore la force de la jeunesse et le courage de la jeunesse, celui-là, il doit entreprendre ce chemin comme on vient de le voir. أدرسوا فقه المذاهب كلها مع دراسة السنة. Étudier le fiqh des écoles, différentes écoles de jurisprudence, avec l'étude de la sunna. فهذا هو الفقه الصحيح. Voilà l'authentique fiqh. لأن الميزان بيدك. Car là, à ce moment-là, la balance est entre tes mains. Tu as étudié la sunna. Tu as la balance pour vérifier l'opinion qui concorde de celle qui ne concorde pas. لأن الميزان بيدك تزن هذه الآراء كلها على السنة. Et donc tu vas pouvoir juger ses opinions selon la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفقه الصحيح الذي ينبغي أن يسمى الدقيق العميق. Et voilà l'authentique fiqh, compréhension, l'authentique science dans la jurisprudence qui convient d'appeler, de nommer qu'elle est précise et qu'elle est vaste et solide. أما الأسلوب الرخيص, mais cette méthode mauvaise, basse, فهو تسمية تسمية دراسة طالب لم يدرس إلا مذهبا معينا ويحسب ويحسب أن الحق كله ينحصر في هذا المذهب بالفقه الدقيق, هذا شيء مجرب. فعندما يدرس طالب معين مذهبا معينا يرى أن الحق والخير كله فيما درس ويجهل ما عدا ذلك وهذا جهل. Qui est de dire, de nommer ou d'appeler l'étude de l'étudiant, de l'écolier, qui n'étudie qu'un madhhab bien précis, hein, le contenu d'une école de jurisprudence, pensant que la vérité entière, elle se trouve dedans. Et il appelle cela que c'est un fiqh, une compréhension, une science qui est précise et solide. Voilà, ça, c'est quelque chose de... Par expérience, on les a vus, les gens. C'est comme ça qu'ils réagissent. Ils pensent qu'ils ont le tout, alors qu'en vérité, ils n'ont pas la connaissance vaste. Car celui qui étudie de cette manière-là, un madhhab bien précis, il verra que la vérité, elle est dedans et que le bien complet est dedans, alors qu'il ignore tout ce qu'il y a en dehors de ce madhhab. Et là-dedans, il y a cette ignorance. C'est une ignorance. « La yastahiqu hatta rub'a faqih wa la aqal min ar-rub'a » Il n'est même pas permis de nommer cette personne le quart d'un faqih. Et encore moins que cela. لذلك نصيحتي كما قلت ادرس المذاهب كلها. C'est pour cela que mon conseil, ma recommandation que je vous donne, étudiez toutes ces écoles de jurisprudence, tous ces madhahib. ولكن مع دراسة السنة. Mais attention, avec l'étude des textes prophétiques, l'étude de la sunna, الإعراض عن دراسة السنة واعتقاد أن فقه السنة فقه سطحي اعتقاد فاسد. Donc, de s'éloigner, de se détourner de l'étude de la sunna et d'avoir comme conviction que celui qui étudie la sunna, la compréhension directe des textes prophétiques, que c'est une connaissance superficielle, ça c'est une conviction, une croyance qui est mauvaise et déviante et fausse, qui n'est pas bonne. وَعَلَى هَذَا الْقَائِلْ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ Et celui qui a proféré ce genre de paroles, celui qui a dit cela, il se doit de se repentir à Allah. لِأَنَّهُ يُحَارِبُ السُّنَّةِ وَيُحَارِبُ الدِّينِ وَيُحَارِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Car en agissant ainsi, il combat la sunna, il combat la religion et il combat le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وقول القائل إن تعلم الفقه من المتون الفقهية ضرورة شرعية. Et en réponse à une parole qui se dit que d'étudier le fiqh d'après les livres qui ont été écrits pour cela, selon les madhhab, les matin, fiqhi, que c'est une nécessité religieuse. Cette personne qui dit cela, il a du culot. Comment il en arrive à dire ce genre de parole? Je pense et je crois que cette personne qui a parlé ainsi ne voit pas la grandeur de sa parole. la responsabilité de sa parole. والضرورة الشرعية لمعرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك ما الذي جعل دراسة القدوري ضرورة شرعية أين الضرورة الشرعية يكفي أن يكون جائزا مجرد الجواز donc il dit et la nécessité religieuse elle est dans la connaissance d'Allah dans la connaissance de la religion d'Allah dans la connaissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la pratique de cela de mettre en pratique ce savoir qu'est-ce qui fait que tu as rendu l'étude de l'Qadduri une nécessité religieuse elle est où la nécessité religieuse il suffit de dire qu'étudier ce livre-là est permis c'est seulement une permission ça ne va pas plus loin nahnu darasna زاد المستقنع نو on a étudié زاد المستقنع كم آية وكم حديث فيه combien il y a de versets et de hadiths là-dedans من الطهارة إلى آخره آخره ما مر عليكم depuis l'étude du chapitre de la purification jusqu'à la fin non وقد درسنا الآن الرسالة الصغيرة الأصول الثلاثة كم مرة من الآيات والأحاديث et on vient d'étudier là c'est le Cheikh Mohamed Aman عليه رحمة الله qui dit et on vient d'étudier ce livret ce petit livret épître ce petit livre épître qui s'appelle الأصول الثلاثة qui est connu les trois fondements de base combien il y a de versets et de hadiths هذا هو الفقه وهذا هو الدين. Voilà la véritable compréhension et voilà la religion. أما سرد الآراء من المقدمة إلى الخاتمة قبل أن تمر على آية وقبل أن تمر على حديث ماذا استفدت منها؟ Mais d'étudier des ouvrages où il n'y a que des opinions du début à la fin, tu ne tombes sur aucun verset ni hadith du prophète sallam. Quel est le bénéfice que tu as eu dedans? Quelle est l'utilité? هكذا قال الأصحاب هذا هو الأظهر هذا هو المشهور عندنا voilà ce qu'on dit les compagnons ici quand il dit l'Ashab c'est pas les compagnons du prophète c'est-à-dire les compagnons du Madhab quand un savant du Madhab il écrit et il dit voilà c'est-à-dire les autres savants du même Madhab il dit l'Ashab d'accord voilà l'opinion prépondérante dans le Madhab c'est que des opinions il n'y a pas de texte voilà ce qui est connu et qui est célèbre, l'opinion célèbre, dans le madhhab. Raji'u kutub al-fiqh ba'da 'ardiha 'ala al-kitab was-sunnah. Revenez aux livres de fiqh après les avoir mis sur la balance du livre et de la sunna, le kitab, le Coran et la sunna. Wa nahaju al-manhaj alladhi nahajahu al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah fi ar-risala as-saghira al-usul ath-thalatha. Et cheminez. Prenez la même méthodologie que celle employée par l'imam, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans ce petit épître qui s'intitule Les fondements, les trois fondements de base. فَهَذَا هُوَ الْمَنْهَجَ الصَّحِيحِ Voilà l'authentique, la véritable méthodologie à appliquer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين